Exercice 5. A. Elle habite avec Eric. B. Je préfère leur ancien immeuble. C. Notre hôtel est sur une plage. D. Cette auberge ouvre à 4 heures. E. Il répare une étagère.